pencher la tour de Pise, les ponts du Danube sous la brise. J'ai vu des enfants qui s'amusent, les derniers pêcheurs de Raguse. J'ai vu les fermes de Pologne et des années à trois automnes. Les météores sous un ciel gris, les minarets de Sainte-Sophie. Traversé 300 rivières, vu mon reflet dans les rizières. Et mouiller l'encre Vanuatu.